Bonjour tout le monde, annyeonghaseyo, bienvenue, hwanyohamnida, enchanté, panjawayo. Onulbuto, nawahamke, pelinseolul, bewayo. Je m'appelle Daphné, j'ai le nom Daphné Mnida. Pelinsemalou, jagisodehate, je m'appelle Ilagureyo. Je m'appelle Miyon Neilemun Miyonia. Je m'appelle Sujin Neilemun Sujinya. Je m'appelle Teji Neilemun Tejiya.